Des personnalités russes, angolaises et singapouriennes ont offert des cadeaux au maréchal Kim Jong-un en signe de félicitations de son élection au poste de président du Parti Travail de Corée. Mikhail Serjouk, député à la Douma issu du Parti de la Russie Juste, le délégué de l'église de la province de Malanje d'Angola, Antonio Domingos Pilinganga, les ont respectivement transmis les 11 et 16 mai au chargé d'affaires par intérim coréen et à un officiel coréen intéressé en mission dans leur pays. Par ailleurs, à l'occasion du 7e congrès du Parti Travail de Corée, le photographe singapourien Adam Pan a remis son cadeau adressé au maréchal coréen à un diplomate coréen dans ce pays.